Une grosse prod comme à l'ancienne. Rappel de gosse comme à l'enseigne. Une grosse prod comme à l'ancienne. Rappel de gosse comme à l'enseigne. Une grosse prod comme à l'ancienne. Un gros beat et une grosse caisse. Rappel de gosse comme à l'enseigne. Un gros stick et une grosse caisse. Un verre de tea, je fais le schlag. Je rêvais de tease ou bien de chatte. Voyais le monde que par le stère. Rêvais de voir un jour mon sac. Aller-retour entre les sauces, comme pour les contrôles de star. Si aujourd'hui j'en ai des grosses, dis-toi que la vie m'a mis des tartes. T'es pas un homme que par aspect. Pas de bonhomme sans le respect. Et j'espérais qui est le son. Vient est-ce la plume, c'est 13 balais. On jasait comme des pucelles. Les années donnent le silence, tu sais, on remarque avec le temps que le curieux devient balance. Et avant ça, des tas de prose, on avançait des tas de thèses. Car on part loin quand on se cause, à cet âge-là, que d'hypothèses. On se rappelle des tas de phrases, des barres de rire, même sur le terre. Ça part en vrille, puis on s'écrase quand on se mange la première guerre. Y'a pas de mère qui aime pas son gosse, n'est pas la fierté de la perdre. Y'a pas de mode sans de cassos, y'a pas que la mort sur le terre-terre. Regarde où tu viens pour savoir qui tu es. Y'a pas d'embûche sur le chemin, y'a pas d'amour sans le respect. Regarde où tu viens pour savoir qui tu es. Y'a pas d'embûche sur le chemin, y'a pas d'amour sans le respect. Dizaines puis vingtaines et parfois les mêmes sauces. Toujours plaisir quand on se capte. Et malgré l'âge y'a pas de pause. Parfois j'ai le plaisir d'être ici. Parfois ce pays me fout la diarrhée. Tu parles trop bien des droits de l'homme. Y'a tellement de gens que tu fais marrer. Comment être fier d'être français? Pourquoi le faire sans qu'on s'explique? Moi aussi j'ai des envies. Cette France est bon, moi je la kiffe. Si tu l'aimes pas, bah tu la quittes. Pourquoi cette France tu la décides? Elle a du rap sous dans les veines. Tes pensées pâles sont pas lucides. On a grandi dans un mélange avec islam dans le cerveau. Et si tu craches sur Mahomet, c'est peu de respect pour mes potos. Tu vas finir dans un cobo. Entre tout bab, vous êtes trop frêle. Teste des blanches à la téloge. Montre un Renoir qui devient zèbre. Avec le cul entre deux chaises. Avec le blanc pour le français. C'est un bon type en militaire. Mais il est noir sans le respect. Confond pas tout si tu épices. Y'a pas de respect qui se déguise. Pourquoi cette France tu la décides? Si tu l'aimes pas, bah tu la quittes. Ok. Regarde où tu viens pour savoir qui tu es. Y'a pas d'embûche sur le chemin, y'a pas d'amour sans le respect. Regarde où tu viens pour savoir qui tu es. Y'a pas d'embûche sur le chemin, y'a pas d'amour sans le respect. Une grosse prod comme à l'ancienne. Rappel de gosse comme à l'enseigne. Une grosse prod comme à l'ancienne. Rappel de gosse comme à l'enseigne. Une grosse prod comme à l'ancienne. Pour savoir qui tu es. Rappel de gosse comme à l'enseigne. Une grosse prod comme à l'ancienne. Pour savoir qui tu es. Rappel de gosse comme à l'enseigne. Si vous aviez à vous définir d'un mot, qu'est-ce que vous diriez? C'est que je travaille et que les autres foutent rien. Voilà exactement ce que je pense.